إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 12 dans l'explication du livre de Cheikh Abdul Salam ibn Burgess ibn Abdul Karim. Et le livre c'est Mu'amalatul Hukam fi Daw'il Kitab wa Sunnah, c'est-à-dire la façon dont on doit se comporter envers les dirigeants à la lumière du Coran et de la Sunna. Et on a commencé au dernier cours le chapitre 5. Et le chapitre 5, c'était au sujet de l'incitation à ordonner le bien et à interdire le mal, et comment on doit interdire le mal aux dirigeants. Et on a parlé en fait plus dans l'introduction de la question ou le principe d'ordonner le bien et d'interdire le mal de façon générale. C'était comme une introduction. Mais maintenant, on arrive dans la partie du chapitre où on va vraiment parler de ce qui a rapport avec le dirigeant, hein, le gouverneur. Comment on peut lui interdire le mal qu'il fait, s'il fait une injustice ou il fait un péché ou des choses comme ça. Comment on agit envers le dirigeant et comment on le fait? Est-ce que c'est la même chose que pour tous les musulmans ou bien c'est spécifique? Et vous allez voir que c'est spécifique, qu'il y a des règles spécifiques qui s'appliquent aux dirigeants en ce qui concerne ordonner le bien et interdire le mal. Et c'est par cette explication-là que vous allez comprendre en même temps la façon qui distingue la foi de Ahl-Sunnah wal-Jama'a par opposition aux Khawarij et aux Mu'tazila et aux Rafida, comment eux ils ont dévié dans ces questions-là. Donc Cheikh Abdul Salam ibn Burgess rahimahullah, il dit: طريقة الإنكار على الولاة. فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين فهي مبسوطة في كتب السنة وغيرها من كتب أهل العلم. وفي مقدم الإجابة عن هذا السؤال أمهد بنقلين ثم أورد الأدلة على ما أقرره والله الموفق. Donc le cheikh il dit, si tu demandes au sujet de la méthode, de la façon d'interdire le mal, de condamner le mal que font les dirigeants selon la charia, alors il faut savoir que cette chose-là est détaillée dans les livres de la Sunna et dans d'autres livres également, parmi les livres des hommes de science. Mais avant de répondre à cette question, je vais préparer le terrain en mentionnant deux citations. Puis après avoir mentionné ces deux citations-là, eh bien, je vais citer les différentes preuves de ce que j'essaie d'établir et de confirmer. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne le succès. Il dit al-naql al-awwal, donc la première citation. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية لا ينكر أحد على السلطان إلا وعظا له إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة فإنه يجب ويحرم بغير ذلك وذكره القاضي وغيره والمراد ولم يخف منه بالتخويف والمراد ولم يخف منه بالتخويف والتحذير وإلا سقط وكان حكم ذلك كغيره قال ابن الجوزي الجائز من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ أما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا يخاف الله فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شررها إلى الغير لم يجوز وإن لم يخف إلا على نفسه فهو جاهز عند جمهور العلماء قال والذي أراه المنع من ذلك انتهى كلامه donc la première citation c'est la parole de Cheikh l'imam Ibn Muflih dans son livre Al-Adab al-Shar'iyya et dans ce livre il dit que personne ne doit condamner ou interdire à un dirigeant de faire quelque chose excepté par exhortation ou dans le but de l'effrayer c'est-à-dire de l'effrayer yani, du châtiment d'Allah ou dans le but de l'avertir et de le mettre en garde contre les conséquences négatives de ce qu'il fait dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà parce que ça c'est obligatoire mais d'autres façons que ça dans ce cas-là c'est interdit d'interdire aux dirigeants de d'autres manières que par l'exhortation et par le fait de l'avertir ou de lui faire craindre Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est autre que ces manières-là c'est pas permis et ça c'est rapporté par Al-Qadi et d'autres également c'est-à-dire que si le dirigeant il n'a pas peur quand on lui mentionne de craindre Allah ou bien quand on l'avertit des conséquences de ce qu'il veut faire, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire. Ça s'arrête là, avec le dirigeant. Tu ne peux pas faire plus que ça. Tu l'exhortes et tu lui fais peur d'Allah et tu l'avertis. Si après avoir fait ça, il continue, alors dans ce cas-là, tu as fait ce qui est obligatoire pour toi. Il n'y a pas d'autre chose que tu peux faire en plus que ça. Avec le dirigeant. Et il dit le cheikh que l'imam Ibn al-Jawzi, il a dit que ce qui est permis d'ordonner le bien et d'interdire le mal par rapport aux dirigeants, c'est de leur faire connaître et de les exhorter. Mais si, en ce qui concerne le fait de s'adresser à eux avec des paroles dures et de leur dire par exemple « Ô toi l'injuste !» ou au toi qui ne crains pas Allah, il dit si ça va créer de la fitna, ça va créer des problèmes et ramener plus de mal, et que ce mal va pas seulement se limiter à la personne qui le dit, mais va également découler sur d'autres personnes, comme par exemple que s'il s'adresse de cette manière-là au dirigeant, il va lui-même subir des conséquences de ça. C'est-à-dire qu'il va être puni, ou même peut-être il va être tué. Mais que le mal ne va pas s'arrêter à lui seul. Peut-être sa famille va être punie aussi avec lui. Et c'est les membres de sa famille, ou bien des proches, ou d'autres personnes, dans ce cas-là, ce n'est pas permis. C'est uniquement permis s'il craint pour sa personne seulement. Et ça, c'est parce qu'il a été conscient des conséquences. Mais si ça, c'est-à-dire qu'il dit, s'il craint uniquement pour sa propre personne, ça c'est permis selon la majorité des savants. C'est permis de lui parler d'une façon dure, de lui dire, de s'adresser à lui de cette façon-là, de dire, oh toi l'injuste, ou des choses comme ça, si tu es avec lui et que tu lui dis ça, mais que tu sais que les conséquences de ça vont seulement revenir sur toi seulement, pas sur d'autres personnes que toi. Mais si tu sais que ça va retomber sur d'autres personnes en plus, pas seulement sur toi, dans ce cas-là, ce n'est pas permis. D'accord? Et ça, en même temps aussi, c'est important de comprendre que qu'est-ce que le cheikh il dit, c'est quand tu vas interdire au dirigeant de faire quelque chose et que tu es en sa présence. Hein? Comme tu vas lui dire, « Oh, toi l'injuste, et tu es devant lui. » Tu te tiens en sa présence, devant lui, à proximité. Ce n'est pas quand tu vas être loin du dirigeant, comme par exemple, il y en a des gens, ils sont dans la mosquée, sur le minbar ou dans un lieu public, hein, et ou bien même dans un autre pays. Puis ils parlent contre un dirigeant, ils disent « Oh, toi l'injuste, ya zalim », des choses comme ça. Et ils disent, ça c'est ils pensent que ça c'est l'explication du hadith Akbar al-Jihad, hein, le plus grand jihad pour Allah. Kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus grand jihad, c'est une parole de vérité devant un dirigeant injuste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça, et c'est un hadith qui est vrai. Mais inda sultanin ja'ir, ça veut dire auprès de lui, quand tu es avec lui, dans sa présence. Pas quand tu es à des kilomètres, puis que tu commences à parler contre lui et l'insulter. Non, pas la présence du dirigeant. Oui, la présence du président ou du chef d'État ou du dirigeant, hein, tu lui dis en sa présence. Et donc c'est de ça qu'on parle ici. Je crois que c'est Akbar al-Jihad. Oh, Azam al-Jihad. Kalimatu haqqin, une parole de vérité, inda sultanin ja'ir. Ja'ir, yani al-jawr. Al-ladhi yajour, yani il fait de l'injustice. Comme le cheikh il a dit ici, tu peux lui dire, ya zalim, ya man la yakhaf Allah, mais en sa présence. Et si tu crains pas pour d'autres que toi-même, si tu crains pour plus que toi-même, toi-même et d'autres personnes, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit, tu ne dois pas le faire. Et il dit ensuite, et l'imam Ibn al-Jawzi, lui, il a dit, moi, je considère qu'il ne doit pas faire ça. Il dit, moi, je considère qu'il ne devrait pas faire ça. C'est-à-dire, il ne devrait pas s'adresser aux dirigeants de cette manière qui est dure. Même si la majorité des savants ont dit, oui, que c'est permis si ça ne dépasse pas, que s'il ne craint pas pour plus que lui-même, même si la majorité ont dit, oui, c'est correct, dans ce cas-là, il dit, moi, je considère qu'il ne devrait pas faire ça. Il devrait se retenir de faire ça. Donc ça, c'est la fin de la citation de la parole de Ibn Muflih, qui a cité l'imam Ibn al-Jawzi dans Al-Adab al-Shara'iyya. Maintenant, la deuxième citation, yani kalimatu haqq, de dire une parole vraie en présence d'un dirigeant injuste. Il a dit que c'est le meilleur jihad. Mais... ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu peux dire, tu peux condamner le mal ou interdire au dirigeant de faire le mal sans utiliser de la dureté avec le dirigeant. Tu comprends? C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire, il y en a qui vont utiliser la sagesse, qui vont utiliser la douceur. C'est ça la règle. Sauf qu'il y en a d'autres qui veulent utiliser la dureté avec le dirigeant, puis qui veulent s'adresser à lui d'une manière rude. « Oh, toi l'injuste hein, !» Des choses comme ça. Si tu agis comme ça, tu risques d'avoir des répercussions négatives. Et puis, c'est pas sage de parler comme ça. Hein. La deuxième citation. Ouais, et puis, comment pourrais-tu être en position de force face au dirigeant, puisque c'est lui qui a la force. Et, hein, tu comprends? Exactement. C'est pour ça que les salafs, même les salafs, ils ont dit, faites attention aux dirigeants, parce que son épée est dégainée. Son épée est là, elle est prête à te frapper à n'importe quel moment si tu n'agis pas comme il faut. Donc il faut faire attention. Et il dit ensuite une autre citation de Ibn al-Nahhas, pardon. Il dit, « Wa qala Ibn al-Nahhas, في كتابه تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين. Ça, c'est le titre de son livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de porter attention, d'appeler les insouciants à faire attention, de ne pas faire les œuvres des ignorants et avertir ceux qui suivent la voie de faire les œuvres de ceux qui vont vers la perdition. C'est le titre de son livre. Donc, dans ce livre-là, Ibn al-Nahhas, il dit quoi? Il dit ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما انتهى كلامه. Donc il dit, il doit choisir les paroles en privé avec le dirigeant, يعني في خلوة, c'est-à-dire il va être tout seul avec lui si c'est possible, bien entendu. Et il dit ça, c'est préférable que de parler devant tout le monde, de lui parler devant tout le monde. Parce que si tu lui parles devant tout le monde, puis que tu lui mentionnes les péchés qu'il fait, ou tu lui demandes de craindre Allah, et tu lui interdis le mal devant tout le monde, peut-être qu'il va se sentir vexé ou offensé, puis à cause de ça, il va pas accepter, ou bien il va vouloir se venger. Donc il dit même que c'est meilleur si il parle, il dit c'est préférable qu'il lui parle en secret et qu'il lui donne le conseil en cachette, sans qu'il y ait d'autres personnes avec lui, sans qu'il y ait une troisième personne. Et ça, c'est la fin de la citation. C'est pour ça que parfois les ulama, ils vont donner des conseils aux dirigeants, ils le donnent par une lettre écrite aux dirigeants et ils écrivent dessus secret, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est secret, personne ne doit lire ça excepté le dirigeant, d'accord? Donc ça, c'est pourquoi, c'est pour protéger l'honneur du dirigeant, puis en même temps pour ne pas l'offusquer ou ne pas le vexer ou ne pas non plus faire tomber son honneur devant les gens. Oui, dans les pays musulmans, bon, il y a des... Parce que, comme par exemple, je sais qu'en Arabie Saoudite, par exemple, il y a des lettres ou des choses qui sont données aux responsables, et ça, c'est comme de façon officielle, c'est un genre de lettre officielle, et ça fait partie des messages ou des lettres qui se diffusent ou qui circulent dans le gouvernement, tu vois, comme par exemple quand le dirigeant il a le service de renseignement, eux ils font des rapports. Et parfois, dessus, ils vont marquer confidentiel ou top secret ou quelque chose comme ça. Bon, c'est la même chose aussi quand le mufti, par exemple, les ulama, les grands ulama, le responsable du comité permanent des savants, il va remettre une lettre sur un sujet spécifique au dirigeant, et bien il va écrire dessus, ça c'est spécifique, ça c'est spécial, c'est secret. Ou bien il va lui adresser la parole en privé s'il est tout seul avec lui. Et ça, on a vu souvent, lorsque des ulamas sont en présence du roi, ou en présence du prince, ou en présence d'un dirigeant, ou d'un amir quelconque, eh bien, ils vont en profiter pour lui donner une nasiha, pour lui parler, pour lui dire quelque chose, lui dire ça, c'est pas correct, ça craint Allah, tu dois pas faire ça, c'est pas bon, et ainsi de suite. Donc ça fait partie des méthodes de l'islam. C'est pas que tu vas être devant tout le monde, tu vas commencer à crier pour dire « Oh, regardez qu'est-ce que ce dirigeant-là, il a fait ça, il a fait ça. » Ça, souvent, on voit ça ici, dans les pieds de coffre. Les journalistes, ils aiment ça faire des enquêtes sur les responsables et tout, sur les dirigeants, les chefs d'État. Et puis, ils veulent faire sortir ça sort comme des gros scandales, des trucs là comme ça pour humilier les gens au pouvoir. Le résultat de ça, c'est que les gens ne font plus confiance à leurs responsables et à leurs dirigeants par la suite. Et ça, c'est la réalité. Personne ne fait confiance ici, en Occident en général, ni à ceux qui sont au pouvoir. Et un des signes de ça, c'est que la plupart des gens ne participent pas aux élections. Tu vois? Ici, c'est comme ça. Tu vois, par exemple, le pourcentage de participation, des fois, c'est 30%, 40%. Il y en a, pourquoi? Parce que les gens disent, ça ne sert à rien. De toute façon, ils sont tous pareils. Ou bien, il y en a un, peut-être, qui est moins pire que l'autre, mais de toute façon, il y en a, ils vont dire, ça ne va pas changer. Non, non, non. Non. On ne doit pas participer à ce genre de choses parce que ça, ça ne fait pas partie de l'islam, ça ne fait pas partie de notre religion de participer à ce processus démocratique-là. Que ce soit pour choisir les responsables, que ce soit pour voter les lois, élire des choses de ce genre. C'est contraire à la voix des prophètes d'Allah. Aucun messager d'Allah qui a participé aux élections. Oui, tous les musulmans ne doivent pas participer à ce genre de choses-là. Mais les non-musulmans, eux, ils ont des choses plus graves que ça à s'occuper. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Comme si... En fait, quand tu parles avec des koufars, tu dois te poser la question, qu'est-ce qui va les sauver au jour de la résurrection? Dans le sens que, s'ils arrivent devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui leur manque pour être sauvés? Donc là, qu'est-ce qui leur manque pour être sauvés? En premier, c'est le tawhid, c'est la ilaha illallah. S'ils arrivent devant Allah, qu'ils n'ont pas le tawhid, ils n'ont pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, le reste, ça compte pas, tu vois? Tu comprends? Donc, première chose, concentrer sur la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et après, tu vas étape par étape. Après la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est la salat. Puis après, et ainsi de suite, selon l'importance. Hein, la aqida, après la salat, zakat, ramadan, saum, hajj, et akhirih. Le halal ou le haram, et ainsi de suite. Mais si tu vois, par exemple, quelqu'un, par exemple, un mouchrik, un kafir, il est dans le shirk, il croit pas en Allah, ou bien il associe avec Allah dans l'adoration, puis après, toi, tu lui parles de pas boire de l'alcool, ou de pas aller dans les boîtes, ou dans les discothèques, ou des choses comme ça. S'il arrête d'aller dans la discothèque ou s'il arrête de boire de l'alcool et qu'il meurt demain et qu'il rencontre Allah, ça ne va pas le sauver de l'enfer parce qu'il est dans le shirk, il est dans le kufr. Mais s'il va à la discothèque puis il boit de l'alcool mais qu'il a témoigné de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, eh bien au moins il a un espoir d'aller au paradis quand même, tôt ou tard, même s'il rentre en enfer pour un certain temps. Donc la priorité avec les koufars, c'est ça. Ensuite, s'ils acceptent l'islam, puis ils vont comprendre le Coran, la sunna, le tawhid, et qu'est-ce qui est halal et haram, et les règles de la religion et les fondements de l'islam, ensuite, petite étape par étape, tu vas leur expliquer les autres éléments de la religion, puis tu vas leur dire, bon, nous, dans l'islam, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh? Il dit ولقد كان موقف سلفنا الصالح من المنكرات الصادرة من الحكام وسطا بين طائفتين. Donc il dit que la position de nos salaf salih vis-à-vis des péchés et des choses mauvaises que font les dirigeants, c'est la position du juste milieu entre deux groupes extrêmes. Donc le cheikh il va expliquer c'est quoi ces deux groupes extrêmes. احدهما الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا والأخرى الروافض الذين أطفوا على حكامهم قداسة حتى بلغوا بهم مرتبة العصمة وكلا الطائفتين بمعزل عن الصواب وبمنأى عن صريح السنة والكتاب ووفق الله أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عين الهدى والحق فذهبوا إلى وجوب إنكار المنكر لكن بالضوابط الشرعية التي جاءت بها السنة وكان عليها سلف هذه الأمة. Donc le cheikh il dit, le premier groupe qui a dévié, par rapport à la façon comment on doit interdire aux dirigeants le mal quand ils font des péchés ou de l'injustice, c'est la voie des Khawarij et des Mu'tazila. Et eux, ils ont considéré qu'il faut se révolter contre le dirigeant et il faut se rebeller contre lui lorsqu'il fait un péché ou lorsqu'il fait de l'injustice. Donc ça, c'est la position des Khawarij et des Mu'tazila. Et il y a un autre groupe qui sont les Rawafid. Rawafid qui est le pluriel de Rafida. Rafida, ce sont une des sectes parmi les sectes des Shia. Et eux, ils sont allés dans l'autre extrême. Ils sont allés dans le respect des dirigeants au point de faire d'eux des divinités, hein, ou bien des hommes qu'ils vénèrent, comme si c'était des dieux. Ils ont même adoré ces hommes-là en dehors d'Allah. Donc les Rafida, par exemple, ils croient en leurs 12 imams et ils croient qu'ils sont infaillibles et qu'ils ne peuvent pas faire d'erreur, même involontairement, ils ne peuvent pas se tromper. Et que ce sont des hommes parfaits, hein, et ce sont presque des hommes avec des pouvoirs surnaturels, comme des êtres surnaturels. Allah musta'an. Et ils les adorent, ils vont à leur tombe et ils font des pèlerinages à leur tombe et ils les invoquent en dehors d'Allah quand ils ont des malheurs ou des difficultés ou quand ils ont des problèmes. Au lieu d'appeler Allah et de demander à Allah de les sauver, ils vont appeler leurs imams. Et ils croient que le dernier de leurs imams, le 12e, ils croient qu'il existe depuis 1200 ans et qu'il est invisible, qu'il se promène dans le monde, que c'est lui qui contrôle l'univers, mais qu'il est invisible et il va juste apparaître à la fin des temps. C'est ça leur croyance. Depuis 1200 ans il est vivant, il se promène là. Il est invisible. Il y en a qui croient qu'il est dans une grotte. Oui, mais eux, c'est leur dernier imam était né 200 ans après la hijra. Na'am. Oui, les Mu'tazila et les Khawarij, eux, ils voient que quand le dirigeant fait un péché ou une injustice, il est obligatoire de se révolter contre lui, c'est de le combattre parce qu'il a fait un péché. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont cette mentalité-là. Tandis que les autres, ils vénèrent leurs dirigeants comme si c'était des êtres divins ou des choses comme ça. Et il dit, les deux groupes sont dans l'égarement. Ils sont loin de la vérité et loin de ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné le succès aux gens de la Sunna ou le Jama'a et aux gens du Hadith sur la guidance et la vérité. Et ils ont donc adopté la position qui est supportée par les preuves du Coran et de la Sunna, c'est-à-dire que c'est obligatoire d'interdire le mal aux dirigeants. Toutefois, il y a des règles. Il y a des règles dans la charia pour le faire. Et ces règles-là sont clarifiées dans la sunna. Et c'est ce que nos pieux prédécesseurs, parmi les salafs, suivaient. Arhamukallah. Il dit, وَمِنْ أَهَمِّ ذَلِكَ وَأَعْظَمِهِ قَدْرًا أَنْ يُنَاصَحَ أُولَاتُ الْأَمْرِ سِرًّا فِيمَا صَدَرَ عَنْهُمْ مِنْ مُنْكَرَاتِ ولا يكون ذلك على رؤوس المنابر في مجامع الناس لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال الفتن. Donc le cheikh il dit parmi les plus importantes et les plus grandes les plus grands exemples de ces règles qu'on doit appliquer par rapport aux dirigeants lorsqu'on veut lui interdire un péché ou une injustice quelconque, c'est qu'on doit donner le conseil aux dirigeants en secret par rapport à qu'est-ce qu'il a fait comme péché. Tu dois lui dire ça en privé et non pas devant tout le monde sur le mimbar ou dans les assemblées de gens, hein? Et surtout pas comme le font les journalistes, les kuffars, de mettre ça dans les journaux puis de dire à tout le monde dans les médias tel dirigeant, il a fait tel péché, et ainsi de suite. Parce que ça, ça ramène le peuple contre leur dirigeant. Et ça ramène de la fitna. Ok, donc c'est pour ça qu'en général, ça ramène beaucoup de problèmes. Il ne faut pas faire ça. Hein? C'est la même chose que si n'importe quel d'entre nous faisait un péché. Personne n'aimerait qu'on diffuse et qu'on affiche ces péchés devant tout le monde. Hein? Et nous, on est des personnes ordinaires. Alors que dire de quelqu'un qui est responsable des musulmans, qui a un poste important, s'il tombe dans un péché ou qu'il fait quelque chose pas correct, est-ce que vous pensez qu'il aime que ces choses-là soient diffusées devant tout le monde et criées devant tout le monde? Bien entendu, non. Donc, et les conséquences sont bien plus graves que si c'était contre l'un d'entre nous qui faisons partie des gens du commun et des gens ordinaires. Donc, ça c'est un exemple. Après, le cheikh il dit وَهَذَا لَيْسَ دَعْبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Parce qu'il y en a des gens qui, par exemple, ils disent bon, de toute façon, qu'est-ce que le dirigeant a fait comme péché, un tel, il l'a écrit dans le journal, ou c'était écrit dans tel journal, ou ils ont dit ça dans les médias, donc pourquoi on ne va pas le dire, puisque déjà tout le monde le sait déjà. Même si tout le monde le sait déjà, ce n'est pas à toi de le répéter. Hein, et d'en parler ou de le diffuser. Peut-être qu'il y a des gens qui ne l'ont pas vu ou qui ne l'ont pas entendu, et à cause de toi, Yanni, ça va se propager encore plus. Et aussi, vous allez voir, comme le cheikh l'a expliqué dans qu'est-ce qui va suivre, vous allez comprendre un autre point très important aussi. Il dit وَهَذَا لَيْسَ دَعْبُ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَ بَلْ سَبِيلُهُمْ وَمَنْهَجُهُمْ جَمْعُ قُلُوبِ النَّاسِ عَلَى وُلَاتِهِمْ والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من استئثار بالمال أو ظلم للعباد مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا والتحذير من المنكرات عموما أمام الناس دون تخصيص فاعل كالتحذير من الزنا عموما ومن الربا عموما ومن الظلم عموما ونحو ذلك. Le cheikh il dit donc que de diffuser les péchés, d'exposer les péchés du dirigeant, ce ne fait pas partie de la manière et des habitudes des gens de Ahl Sunnah wal Jama'ah. La voie des gens de la Sunna ainsi que leur méthodologie, c'est d'essayer de rassembler les cœurs des gens et de la population envers leurs dirigeants, hein, de rassembler leur cœur et de faire qu'ils soient réunis autour de leurs dirigeants et qu'ils aiment leurs dirigeants, et de faire en sorte qu'ils travaillent à propager l'amour entre le dirigeant et le peuple, et d'ordonner au peuple de faire preuve d'endurance par rapport à qu'est-ce qui se produit comme injustice envers les serviteurs, et également qu'est-ce que certains dirigeants se donnent comme privilège, des richesses de la vie d'ici-bas ou des choses comme ça. Eh bien, tu dois inciter les gens à faire preuve d'endurance face à ces injustices-là plutôt que de les inciter à se révolter ou être contre leurs dirigeants à cause de ça. Bien entendu, ça c'est totalement opposé à la vision ou à la mentalité des matérialistes et la mentalité des communistes et des socialistes, hein, et de ces gens-là, parce que eux, ils sont toujours en train de critiquer la classe des riches ou bien la classe des dirigeants. Ils sont toujours en train de condamner ça, puis ils veulent faire des révolutions dans les pays musulmans ou non musulmans pour essayer, comme eux ils prétendent, d'enrayer les classes sociales et de faire en sorte que tout le monde soit pauvre. Hein? Comme si on dit, nous on veut plus qu'il y ait de pauvres, mais la réalité c'est que ils disent on veut plus qu'il y ait de pauvres et de riches. Alors en réalité ils veulent que tout le monde soit pauvre. C'est ça qu'ils veulent. Mais en réalité, comme on l'a vu en Russie, comme on l'a vu dans beaucoup d'autres pays de communistes, parmi les pays de Kouf, c'est que même s'il prétend que tout le monde est égaux et qu'il n'y a plus de riches et de pauvres, mais il y en a le parti, c'est ceux qui sont membres du parti, plus ils sont élevés dans le parti, bien, plus qu'ils ont de privilèges, puis plus qu'ils ont des choses que le reste des personnes ne peuvent pas avoir. C'est comme s'il disait, comme certains l'ont dit, tout le monde est égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Ah ben, c'est ça le secret, oui. Tout le monde est égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Non, parce que, en tout cas, on nous avait fait lire cette histoire, comment ça s'appelle, Animal Farm. C'est écrit par un auteur anglais. Et en fait, c'est des animaux d'une ferme qui décident de se révolter contre le fermier pour prendre eux-mêmes en charge la ferme et chasser les êtres humains. Alors, ils ont réussi à faire une révolution et à prendre la ferme. Et finalement, après, c'est les cochons qui sont devenus les nouveaux maîtres, hein, et qui ont commencé à se mettre au-dessus des autres animaux, tu vois. Et on leur prétendait, on leur disait avant la révolution que quand ils allaient être eux-mêmes les maîtres de leur ferme, qu'ils allaient travailler moins, puis qu'ils allaient avoir plus de temps, puis plus de bien. Et finalement, après la révolution, ben, ils travaillaient deux fois plus que qu'est-ce que leur maître humain leur faisait travailler. Et les porcs, eux, ont commencé justement à essayer de profiter de la situation puis à les contrôler. Et donc, ils ont changé les règles, ils ont dit, tout le monde est égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Et donc, ils se donnaient des privilèges. C'est pour dire que à chaque fois, quand quelqu'un appelle les gens à se révolter, ben, il finit toujours à la fin à essayer de profiter de cette situation-là pour justement, à la suite, recréer la même situation. Et c'est pour ça que je me disais, quand il y a eu beaucoup de révolutions qui se sont produites, même la révolution d'esclaves en Haïti, ils ont dit, on permettra plus jamais qu'il y ait de l'esclavage sur nos terres ou des choses comme ça, puis tu vois que en réalité il y a encore de l'esclavage, Yann. Tu sais que j'ai lu justement dans le journal un article qui avait été publié par l'agence de presse, je ne sais pas si c'est une agence de presse en France ou quoi, et puis ça disait quoi? Ça disait que Haïti a été classé parmi 167 pays au deuxième rang dans l'esclavage, et des choses de ce genre. Donc c'est pour dire, bien entendu, Haïti contestait ce classement-là, mais malgré tout, même s'il le conteste, mais c'est quelque chose que on le voit, tu vois, on le constate quand on observe la situation. Et même, je suis passé, quand je suis allé, la dernière fois on est allé en Haïti, je pense que tu étais avec moi ce jour-là, on est passé près de Champ de Mars, je crois, puis on est passé devant la statue de Negmaron, puis il y avait un petit texte, les premiers articles de la Constitution haïtienne qui sont écrits dessus, puis en tout cas, c'est juste pour dire. Les gens qui ont appelé les esclaves à se révolter contre leur maître, à la fin des fois, ils sont devenus plus durs envers les esclaves que les maîtres qui étaient là avant. Aïna. C'est un nouveau maître, exactement. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça, donc, ces choses-là, c'est une illusion. Par exemple, à l'époque, quand il y avait des monarchies en Europe, et que c'est les rois qui avaient le pouvoir, puis l'argent et tout, ça plaisait pas peut-être à certaines classes de bourgeois. Et eux aussi, peut-être, auraient voulu avoir un peu de noblesse ou des choses de ce genre. Alors, ils ont trouvé un moyen, probablement, de faire en sorte que la population se révolte. Puis, une fois que la population s'est révoltée, ils ont tué et enlevé la monarchie puis la noblesse. Et eux sont devenus les nouveaux nobles. Ils ont pris la place. Ils ont remplacé une tête par une autre. Et c'est pour ça, donc, c'est juste les appellations qui changent, mais les réalités restent les mêmes. Donc il ne faut pas se laisser tromper par les beaux discours de ces gens-là. Donc le cheikh, il dit, si tu vois par exemple que le dirigeant il fait de l'injustice, ou qu'il fait des péchés, ou qu'il se donne des privilèges, eh bien tu leur donnes le conseil en privé. Et tu mets en garde, tu les mets en garde contre le mal qu'ils font et les péchés qu'ils font. Si tu le fais de façon générale ou devant les gens, tu dois mettre en garde contre le péché seulement. Tu dois mettre en garde contre le péché seulement sans spécifier qui a fait le péché. Comme par exemple, si les dirigeants ils font certains péchés, toi, tu vas condamner ce péché-là sur le minbar. Tu es un imam dans une mosquée. Tu vas dire, tel péché, ça c'est haram. Mais tu ne vas pas dire, tel dirigeant, il a fait ce péché-là. Non. C'est ça. Tu dis, de façon générale, tu interdis ce qui est haram. Tu dis, par exemple, les banques avec le riba, c'est haram. Tel péché, le zina, c'est haram. Boire de l'alcool, c'est haram. Tu vas dire l'injustice c'est haram de façon générale, mais tu vas pas dire le dirigeant il a fait ça. Tu vas pas pointer du doigt ou spécifier quelqu'un en particulier. Donc tu interdis le péché, mais tu vas pas pointer du doigt le dirigeant. Donc c'est ça que le cheikh il dit, tahdhir min al munkarat umuman amam an nas dun takhsis fa'il, c'est-à-dire sans spécifier celui qui l'a fait. كَالتَّحْذِرْ مِنَ الزِّنَا عُمُومًا, c'est-à-dire le zina c'est haram de façon générale. Le riba عُمُومًا, le riba c'est haram, l'injustice c'est haram. Mais tu ne vas pas spécifier que c'est le dirigeant qui fait ça. Après il dit, يَقُولُ الْعَلَّامَ الشَّيْخ عَبْدُلْعَزِيزِ بْنُ بَازِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ مِنْ مَنْهَجِ السَّلَفِ التَّشْهِيرُ بِعُيُوبِ الْوُلَاتِ وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. Donc le cheikh il dit que cheikh al-allama cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah, il a dit, il ne fait pas partie du manhaj des salaf de diffuser publiquement les péchés et les défauts des dirigeants et des responsables, et de mentionner cela sur les manabir, c'est-à-dire sur le mimbar, parce que cela ramène du chaos. Cela ramène du chaos. Et cela fait en sorte que les gens n'écoutent plus et n'obéissent plus dans le bien. Et cela ramène par la suite à disputer et aller d'une manière qui ramène du tort et qui ne ramène pas de bienfaits. Ensuite, il dit, « لكن الطريقة الشرعية façon الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. » Il dit, « Mais la façon qui est suivie chez les salaf, chez les pieux prédécesseurs, parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, c'est de donner le bon conseil aux dirigeants en privé avec le dirigeant, ou soit par écrit, ou soit en contactant les ulama qui eux sont en contact avec le dirigeant, dans le sens que peut-être toi tu ne peux pas accéder au dirigeant. C'est pas n'importe qui peut aller voir le dirigeant, sinon des fois ce serait compliqué. Il y a des fois, par exemple, comme j'ai vu, par exemple, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays également, il y a des audiences. On permet à certaines personnes de venir, puis d'amener leurs plaintes ou de mentionner qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont comme situation ou comme problème ou comme souci, et le dirigeant les écoute. Toutefois, si ce n'est pas possible, il y a des gens qui sont plus proches du dirigeant, tu vas vers eux, soit des ulama ou des conseillers ou des gens qui sont proches du dirigeant, et tu leur fais part de tes réclamations, de qu'est-ce que tu veux, et puis eux vont s'adresser au dirigeant pour toi. Ils vont lui faire parvenir ton message ou ta lettre, ou ainsi de suite. Le Cheikh il dit, « Wa inkaru al-munkar yakunu min duni zikri al-fa'il. Fayunkiru al-zina, wa yunkiru al-khamr, wa yunkiru al-riba min duni zikri man fa'alahu. Wa yakfi inkaru al-ma'asi wa al-tahziri minha min ghayri zikri anna fulanan fa'alaha. La hakim wa la ghayr hakim. » Donc le cheikh il dit, Cheikh Ibn Baz il continue, il dit, et tu vas te condamner ou dénoncer le mal sans mentionner la personne qui l'a fait ou le péché. Tu vas pas mentionner qui l'a fait. Donc tu vas interdire et tu vas condamner l'adultère ou la fornication, de même que l'alcool ou le riba, hein, les intérêts, sans mentionner la personne qui l'a fait. Il dit, c'est suffisant de condamner le péché et d'avertir contre ce péché sans mentionner un tel ou un tel qui l'a fait. Ni le dirigeant, ni autre que le dirigeant. Parce que ça, c'est la honte. Si tu fais ça, tu commences à dire, un tel, il a fait ça, un tel, il a fait ça, un tel, il a fait ça. Bien entendu, si c'est pour mettre en garde contre une bid'a ou mettre en garde contre un mubtadi', hein, et que tu vas mettre en garde contre un mubtadi' de façon publique devant tout le monde pour mettre en garde contre lui et pour que les gens sachent que c'est une personne qui appelle à l'égarement, ça c'est correct, hein. Mais si c'est un dirigeant, tu mets en garde contre sa bid'a, mais tu mentionnes pas le dirigeant. Hein, tu mets en garde contre sa bid'a sans mentionner le dirigeant lui-même. Mais si c'est un individu parmi les mubtadi'a qui fait la da'wa et qui appelle à sa voix, mais qui ne fait pas partie des dirigeants, tu mets en garde contre lui, tu peux mentionner son nom et avertir contre lui pour que les gens fassent attention. Même si les gens pensent que c'est quelqu'un de pieux, souvent c'est ça qui est dangereux, hein, quand les gens pensent du bien de ces gens de bid'a, eh bien, après ils les écoutent et s'ils ne savent pas les égarements qu'ils ont, ils vont se faire tromper. Le cheikh il dit ensuite, « ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان قال بعض الناس لأسامة أسامة ابن زيد رضي الله عنه ألا تنكر على عثمان قال أأنكر عليه عند الناس لكن أنكر عليه بيني وبينه ولا أفتح باب شر على الناس. » Donc le cheikh il dit, lorsqu'il y a eu la fitna à l'époque de Uthman, certaines personnes sont allées voir Usama ibn Zayd et lui ont dit, radiyallahu anhu, est-ce que tu condamnes pas, tu vas pas interdire à Uthman et condamner à Uthman qu'est-ce qu'il fait? Et il a répondu, il a dit, est-ce que je vais interdire qu'est-ce qu'il fait ou le condamner devant les gens? Non, il dit, mais plutôt je vais le condamner dans qu'est-ce qu'il fait ou lui donner le nasiha entre lui et moi, en privé. Je ne veux pas ouvrir une porte du mal pour les gens. Et il dit, وَلَمَّا فَتَحُوا الشَّرُ فِي زَمَنِ عُثْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَنْكَرُوا عَلَى عُثْمَانِ جَهْرَةً تَمَّتِ الْفِتْنَةِ والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في إثارة إلى اليوم حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان وعلي بأسباب ذلك وقتل جم كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا حتى أبغض الناس ولي أمرهم وحتى قتلوه نسأل الله العافية. Donc le cheikh il dit, lorsque on a ouvert les portes du mal à l'époque de Othman, et que les gens ont commencé à condamner ouvertement contre Othman, c'est là que la fitna a commencé à se propager et qu'il y a eu même des combats et des batailles et des guerres et du désordre. Et les gens jusqu'à aujourd'hui sont dans les conséquences néfastes de qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là. Ça continue jusqu'à nos jours parce que c'est arrivé, la fitna est arrivée par la suite entre Ali et Muawiya, puis ensuite Othman a été assassiné, puis Ali radiallahu anhu ensuite a été assassiné, puis beaucoup d'entre les sahabas ont été tués, hein, et tout ça c'est parmi des causes, c'est à cause de la condamnation ou mention des péchés de façon publique et de mentionner les défauts ouvertement et publiquement, jusqu'à ce que les gens commencent à détester leurs dirigeants et jusqu'à ce qu'ils les tuent. Donc ça c'est la fin de la parole de Cheikh Ibn Baz. C'est comme on dit, c'est contagieux, hein? Quand tu entends quelqu'un, même si tu ne connais pas le dirigeant personnellement, tu n'as jamais vu le dirigeant faire quoi que ce soit de mal, mais t'entends un tel parler contre lui, un autre parler contre lui, un autre parler contre lui, l'autre il le critique, l'autre il le critique, l'autre il l'insulte, l'autre il l'insulte. Après toi-même tu commences à penser du mal de lui alors que tu le connais même pas. Et tu sais même pas si ce qu'il dit à son sujet est vrai ou non. Mais c'est juste parce que tout le monde le parle contre lui, alors à cause de ça, yani. Mais c'était toujours comme ça. Chaque fois qu'il y a un dirigeant, le jour avant qu'il soit dirigeant, personne parle de lui. Personne ne parle de lui. Le lendemain, il devient dirigeant. Tout d'un coup, il est la pire personne au monde. Du jour au lendemain, il devient la pire personne au monde. Et tout le monde se donne la permission et le droit de parler contre lui et de dire du mal de lui. Et ça, c'est surtout parce que... Pourquoi ? Parce que si, par exemple, supposons quelqu'un qui est mal intentionné, qui a une mauvaise intention... Lui, il désire, dans son cœur, il désire le pouvoir. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être même payer des gens pour partir parmi la population, commencer à propager des mensonges sur la personne qui est au pouvoir. Pourquoi? Pour que les gens commencent à le détester, puis que lui, par la suite, il va pouvoir profiter de ça pour essayer de prendre le pouvoir lui aussi. Donc, derrière ça, il y a toujours de la jalousie. Hein? Il y a toujours des gens qui planifient ou qui... Peut-être même que c'est des ennemis des musulmans, des kuffars, qui ont payé des agitateurs dans la population, parmi la masse, justement pour propager ces choses-là et diffuser ces idées-là, pour que la masse de ce pays déteste leurs dirigeants, puis eux, par la suite, ils en profitent pour, justement, voler les richesse de ce pays et profiter de l'instabilité politique justement pour avoir plus de contrôle sur ces dirigeants-là. Ça, c'est connu, hein? Les trucs de Machiavelli, là, tout ça, c'est connu, ça. Exactement, exactement. Donc, eux, ils disent, ah, ça, c'est au nom de la liberté d'expression, au nom de la démocratie, des droits de l'homme. Les gens ont le droit d'exprimer leur position contre leurs dirigeants. Il y a un cheikh qui disait, subhanallah, comment ça se fait quand c'est dans vos pays? Des gens, ils sortent dans la rue, vous les matraquez, vous leur lancez des gaz lacrymogènes et tout. Puis quand c'est dans les pays arabes, les pays musulmans, vous dites aux dirigeants et au gouvernement là-bas, laissez les gens s'exprimer. Allez, ça c'est bizarre. Ça veut dire que deux poids, deux mesures. Hein? Allahu al-musta'an. Donc ils disent, oui, peut-être que leur logique là-dedans, c'est, ou leur raison, c'est de dire, ben, nous, on est déjà, soi-disant, on est déjà le système parfait. Donc on n'a pas besoin de révolution chez nous. Mais dans les pays arabes, eux, nous, on veut qu'ils soient comme nous. On veut qu'ils soient avec le même système que nous pour qu'on puisse mieux les contrôler. Donc, on veut qu'ils fassent plus de révolutions puis de révoltes, hein, là-bas. Mais c'est ça leur mentalité. Et même que beaucoup de musulmans maintenant, même ceux qui, bon, par exemple, parmi les musulmans, des gens qui font la salat, mais qui sont ignorants des principes et de la compréhension correcte de l'islam, ils s'imaginent que la démocratie, c'est en accord avec le Coran et la Sunna. Et ils pensent que d'être contre la démocratie, c'est d'être contre l'islam. Hein, c'est devenu presque une conviction religieuse, yani. Ils pensent que le Coran est révélé, et a révélé, dans le Coran c'est écrit la démocratie. Yani. Parce qu'ils connaissent ni la démocratie ni l'islam. Hein, ils connaissent ni la démocratie et qu'est-ce qu'il y a de kouf dedans, puis ils ne connaissent pas non plus l'islam et qu'est-ce qui est enseigné dans les fondements de la croyance islamique qui vient en opposition et en contradiction totale avec les enseignements des démocrates et des laïcs et des autres yani, groupes d'égarements. Donc, qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Il dit ensuite: هذا الذي قرره الشيخ رحمه الله هو امتداد لما قرره أئمة الدعوة رحمهم الله في كتبهم وهو في الحقيقة امتداد عليه لما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سلك مسلكهم من أهل العلم والدين. Donc il dit, qu'est-ce que Cheikh Ibn Baz a confirmé ici dans qu'est-ce qu'il a expliqué? C'est tiré directement de ce que les imams de la da'wa ont confirmé dans leur livre, et c'est la réalité qui découle de la méthodologie de nos pieux prédécesseurs parmi les sahaba et les tabi'in et ceux qui ont suivi leur voie parmi les hommes de science et de religion. وفي هذا يقول أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ والشيخ محمد بن عبد ابن عبد اللطيف آل الشيخ والشيخ سعد بن عتيق والشيخ عمر بن سليم والشيخ عبد الله العنقري رحم الله الجميع عندما شغب بعض المنتسبين إلى الدعوة إلى الدين والدعوة في زمنهم على هذا الأصل أثار الشبه الشيطانية حوله فقال أولئك الأئمة أما ما قد يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي توجب الكفر التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس. Donc le cheikh il dit, et parmi les imams de la da'wa, il y a eu le cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Sheikh, le cheikh Mohammed ibn Abdul Latif al-Sheikh, le cheikh Sa'd ibn Atiq, le cheikh Omar ibn Salim, le cheikh Abdullah al-Anqari, rahimahumullah. Ils ont tous dit à leur époque, quand il y a eu des gens qui ont essayé, parmi les gens qui prétendent appartenir à la da'wa et à la religion, ils ont essayé de faire du bruit, de faire de la fitna et de lancer des shubuhat diaboliques pour essayer yani, d'inciter les gens contre leurs dirigeants. Et ces imams ont tous répondu en disant, en ce qui concerne ce qui se produit de la part des dirigeants comme péché, comme contradiction à l'islam, ou opposition, des choses qui sont contraires à l'islam, quand des dirigeants font ça et que ces choses-là ne font pas partie du kufr, ils ne font pas sortir de l'islam, et bien dans ce cas-là, il est obligatoire de leur donner le bon conseil selon la manière de la charia et avec douceur, en suivant dans cela ce que suivaient nos pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les salaf al-salih, et c'est-à-dire de ne pas publiciser hein, et d'exposer leurs péchés dans les assemblées et devant les gens. واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالة له نوردها ها هنا لعظم فائدتها. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث أن يعرف ما يأمر به وما ينهى عنه ويكون رفيقا فيما يأمره به وينهى عنه وصابرا على ما جاء من الأذى. Donc le cheikh, je vais commencer par traduire cette partie puis après on va continuer le reste. Le cheikh il dit ensuite les imams ils ont dit et de croire que yani de dénoncer le mal de façon publique c'est ça qui est obligatoire et de condamner le mal que font les dirigeants publiquement c'est ça qui est obligatoire ça c'est une grave erreur et c'est une ignorance apparente et la personne qui fait ça elle ne sait pas quelles conséquences néfastes comment comme il y en a les grandes conséquences néfastes qui vont découler de cette action là et comment ça va avoir des effets néfastes dans les affaires de la religion et dans la dunya aussi. Et donc, il n'y a personne qui peut comprendre cela, excepté celui qu'Allah a illuminé son cœur à connaître la voix de nos pieux prédécesseurs et des imams de la religion. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a écrit une lettre. Et on va mentionner cette lettre ici pour montrer les grands points bénéfiques qu'il y a dedans. Et pour montrer en même temps que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il suivait la méthodologie des salafs à ce sujet-là aussi. Et donc il dit dans cette lettre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de la part de Muhammad ibn Abdul Wahhab vers tous ceux à qui ou tous ceux que cette lettre peut atteindre hein, ou à qui peut parvenir cette lettre à tous ceux à qui cette lettre peut parvenir parmi les ikhwan, parmi les frères. Et il dit Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh et ensuite il dit, il y a certaines choses qui se sont produites hein, chez vous et nous conseillons à nos frères, si ces choses-là se produisent, de bien les comprendre comme il faut. Et la raison de ça, c'est parce que certains parmi les religieux, les gens de la religion, veulent condamner un mal et un péché. Et il a raison dans ce qu'il veut faire, toutefois, il le fait d'une manière qui est incorrecte. Il le fait d'une manière qui est incorrecte et il fait preuve de dureté dans certaines choses à un point que d'une façon qui amène de la division entre les frères. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Imran, versets 102 et 103, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il mérite d'être craint et ne mourrez qu'en étant musulmans ». Et il dit, accrochez-vous et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. Et rappelez-vous de la grâce d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et qu'il vous a, il a réuni vos cœurs et que vous êtes devenus par sa grâce des frères. Et vous étiez sur un ravin. Hein, au bord d'un ravin, au bord d'un gouffre de feu. Et il vous en a sauvé. C'est ainsi qu'Allah clarifie pour vous ces signes, pour que vous puissiez être bien guidés. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah est satisfait pour vous de trois choses. Il est satisfait pour vous que vous l'adoriez et que vous n'associez rien avec lui. Et que vous vous cramponniez au câble d'Allah, et que vous vous cramponniez vous tous au câble d'Allah, et que vous ne vous divisiez pas, et que vous donniez le bon conseil à ceux qui ont eu le pouvoir sur vous, ou qui sont gagnés au pouvoir sur vous. Donc vous devez trois choses que Allah est satisfait de vous si vous le faites, que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui, que vous cramponniez au câble d'Allah vous tous et que vous ne vous divisiez pas, et que vous donniez le bon conseil à celui à qui Allah a donné le pouvoir et la responsabilité sur vous. Il dit, les gens de science, wa ahlul ilm, yaqulun, allazi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yahtaj ila thalath. Celui qui ordonne, les hommes de science disent, celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, il a besoin de trois choses. Premièrement, il doit connaître ce qu'il doit ordonner et ce qu'il doit interdire. Donc il doit avoir la science. Deuxièmement, il doit faire preuve de douceur dans ce qu'il ordonne et dans ce qu'il interdit. Donc la deuxième chose, al-rifq. Et la troisième chose, al-sabr. Hein? Il doit être endurant face à ce qui va l'atteindre. Donc c'est trois choses. Première chose, il doit avoir la science. Deuxième chose, il doit avoir la douceur. Et troisième chose, il doit avoir l'endurance et la patience. Al-rifq, la douceur. Et en troisième, la patience. Donc si tu ordonnes le bien et tu interdis le mal, tu as besoin de ces trois caractéristiques. Le cheikh il dit ensuite, « وَأَنْتُمْ مُحْتَاجُونَ لِلْحِرْصِ عَلَى فَهْمِ هَذَا وَالْعَمَلْ بِهِ فَإِنَّ الْخَلَلْ إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِ الدِّينِ مِنْ قِلَّةِ الْعَمَلْ بِهَذَا أَوْ قِلَّةِ فَهْمِهِ. » Et vous, il dit, vous avez besoin de faire des efforts pour comprendre cela et l'appliquer. Parce que le défaut et le problème vient chez la personne qui veut pratiquer la religion, mais qui applique peu ces principes-là, ou qui les comprend peu. Il ne les comprend pas suffisamment. وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجوز إنكاره. Ils disent également, les ulama ont mentionné que si tu vas essayer d'interdire un mal ou de condamner un mal et qu'à cause de ça, ça va ramener de la division, alors dans ce cas-là, ce n'est pas permis de condamner ce mal. Il dit فالله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. Il dit donc, craignez Allah dans les actions que je vous ai mentionnées et cherchez la compréhension de ce que je vous ai mentionné, parce que si vous ne le faites pas, eh bien, votre condamnation des péchés et du mal va être quelque chose qui va être néfaste pour la religion, et le musulman ne doit faire d'efforts que dans ce qui va réformer sa religion et sa dunya. وسبب هذه المقالة التي وقعت بين أهل الحوطة لو صار أهل الدين واجب لو صار أهل الدين واجب عليهم إنكار المنكر فلما غلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين أهل الدين فصار فيه مضرة على الدين والدنيا. وهذا الكلام وإن كان قصيرا فمعناه طويل فلازم تأملوه وتفقهوا فيه واعملوا به فإن عملتم به صار نصرا للدين واستقام الأمر إن شاء الله والجامع لهذا كله والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح أو أن ينصح برفق خفية ما يشترف أحد فإن وافق وإلا استحلق عليه رجلا يقبل منه بخفية فإن لم يفعل فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافقه واستحلق عليه ولا وافقه فيرفع الأمر إلينا خفية وهذا الكتاب هذا الكتاب كل أهل بلد ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم ثم يرسلونها لحرمة والجمع والمجمعة ثم للغاط والزلفي والله أعلم أو الزلفى والله أعلم انتهى كلامه. Donc ici le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il continue. Il dit pourquoi je dis cette parole? C'est à cause de qu'est-ce qui s'est passé chez les gens de Al-Houta. Al-Houta. Hein? Il dit les gens de, c'est des religieux, des gens de la religion qui pratiquent la religion et qui voulaient condamner un mal, mais ils ont utilisé des paroles dures et ça a causé de la divergence entre les gens de la religion. Alors c'est quelque chose qui est devenu nuisible et néfaste à la religion et à la dunya. Et il dit cette parole, il dit même si c'est une parole que je vous dis, c'est, même si c'est court, mais sa signification est longue. Et donc c'est très important, donc c'est obligatoire pour vous de comprendre ça, de méditer là-dessus et de bien le comprendre et de l'appliquer. Et si vous l'appliquez, ça devient une victoire pour la religion. Et les choses vont se mettre droites, Inch'Allah. Et donc il dit, si tout ce qui résume et qui rassemble tout ce que je vous ai dit là maintenant, c'est que si vous voyez un mal ou un péché de la part d'un dirigeant ou autre, alors vous lui faites le conseil, vous lui donnez le conseil avec douceur et en cachette, en secret. Hein? Vous n'allez pas laisser tout le monde entendre ça et savoir ça. S'il accepte ce conseil, sinon, eh bien, vous faites en sorte que quelqu'un d'autre aille s'adresser à lui en secret pour qu'il accepte de lui. S'il ne le fait pas, c'est-à-dire s'il n'accepte pas encore, malgré l'autre personne, dans ce cas-là, vous pouvez le divulguer ouvertement si ce n'est pas un dirigeant. Mais si c'est un dirigeant, dans ce cas-là, vous lui donnez le bon conseil, encore une fois, et s'il n'accepte pas, vous envoyez une autre personne. Et s'il n'accepte pas, vous renvoyez l'affaire vers moi. C'est-à-dire, vous m'écrivez à moi, et moi je vais m'en occuper. Mais il dit, et ça c'est une lettre que je vous envoie, hein, et donc les gens de chaque ville doivent faire une copie, et l'envoyer aux autres. Hein, et l'envoyer à Harma et à Majma'a, et Al-Ghat et Al-Zulfa, donc différentes villes, puis faire des copies, puis garder cette lettre pour suivre les commandements et les explications qui sont mentionnées dedans. Donc ça c'est une lettre qui a été écrite par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui mentionne la façon dont on doit ordonner le bien, interdire le mal à ceux qui sont au pouvoir, qui sont nos dirigeants. Il dit, « وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّةِ رَحِمَهُمُ اللَّهِ مِنْ كَوْنِ مُنَاصَحَةِ وَلِيِّ الْأَمْرِ إِنَّمَا تَكُونُ سِرًّا قَدْ نَطَقَتْ بِهِ النُّصُوصُ النَّبَوِيَّةِ وَشَهِدَتْ لَهُ الْآثَارُ السَّلَفِيَّةِ وَهَا هِيَ الْأَدِلَّةِ عَلَى ذَلِكَ. Donc le Cheikh il dit, ce que les imams de la religion ont mentionné, du fait que le conseil aux dirigeants doit être fait en secret, Eh bien, ça, ça a été mentionné par les textes de la Sunna et par les traditions, les mentions et les narrations des salaf. Et voici les preuves à ce sujet-là. Donc là, le cheikh, maintenant, il va énumérer les différents hadiths et les différentes références dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les paroles des salaf sur le fait qu'on ne doit pas divulguer la nasiha aux dirigeants en public. Et il mentionne à ce sujet-là 8 preuves. Ad-dalil al-awwal. Donc je ne dis pas qu'on va toutes les lire aujourd'hui. C'est possible qu'on n'ait pas le temps de terminer. Mais on va en lire qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, puis au prochain cours on lira les autres, inshallah. Donc il dit ad-dalil al-awwal. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان حدثني شريح ابن عبيد الحضرمي وغيره قال جلد عياض ابن غنم صاحب دارا حين فتحت فأغلظ له هشام بن حكيم ابن حكيم عفوا القول فأغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض ثم مكث ليالي فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه ثم قال هشام لعياض ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس فقال عياض ابن غنم يا هشام ابن حكم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه له وإنك يا هشام لأنت لجريء إذ تجتري على سلطان الله فهل لا خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى انتهى كلامه وعياض بن غنم هو ابن زهير ابن أبي شداد أبو سعد الفهري صحابي جليل وهو ممن بايع بيعة الرضوان توفي سنة 20 بالشام وهشام ابن حكم أو ابن حكيم هو ابن حزام ابن خويلد القرشي الأسدي صحابي جليل توفي في أول خلافة معاوية وشريح ابن عبيد الحضرمي الحمصي تابعي ثقة. Je pense qu'on va sauter à une partie où il dit fa'ala hadha fal hadith sahih bi hadha al tariq wa laysa hasanan kama qala ba'dhum fadlan an tad'ifihi wa mimman sahhaha al hadith wa mimman sahhahu al muhaddith al shaykh Nasir al-Din al-Albani fi kitabih Dhilal al-Jannah fi takhrij as-sunnah. Donc je pense que ça suffit, hein, si je vous dis ça. Inch'Allah. Non, c'est parce que le cheikh il a tout expliqué qu'est-ce qui avait rapport avec oui c'est ça, qu'est-ce qui avait rapport avec l'isnad. Allah al-Musta'an. Oh, oui c'est ça. Même si c'est du jargon, hein, vous comprenez pas tous ces détails là. Donc le cheikh il dit هذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان أن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. Donc c'est ça. dans ce hadith c'est un fondement dans ce qui concerne le fait de cacher le conseil qu'on donne aux dirigeants. Et que la personne qui donne le conseil aux dirigeants, quand elle l'a fait de cette façon, alors elle a rempli son devoir. Elle a rempli son obligation. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam, donc, ensuite le cheikh dit, « Wa qala al-allamatu sindi fi hashiyatihi » على مسند الإمام أحمد قوله من أراد أن ينصح لسلطان أي نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. Donc il dit que le grand savant Sindi, il a écrit une hashia de la musnad de l'imam Ahmad, et il dit à la parole où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut donner un conseil aux dirigeants, qu'il le fasse, hein, qu'il le fasse en secret, qu'il ne le fasse pas publiquement. Il dit que le conseil aux dirigeants doit être fait en secret et non pas devant tout le monde. Ça, c'est la fin de la citation. Il dit wa fi al-qissa allati darat bayna as-sahabiyyayn al-jalilayn Hisham ibn Hakim ibn Hizam wa Iyad ibn Ghanm ablagh radd على من استدل بإنكار هشام بن حكيم علانية على السلطان أو بإنكار غيره من الصحابة إذ إن عياض ابن غنم أنكر عليهم ذلك وساق النص القاطع للنزاع الصريح في الدلالة وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية فما كان من هشام بن حكيم رضي الله عنه إلا التسليم والقبول ولهذا الحديث الذي هو غاية في الدلالة على المقصود والحجة إنما هي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول أو فعل أحد من الناس مهما كان. Donc le cheikh il dit, dans l'histoire qui est arrivée entre les deux sahabi, entre Hisham ibn Hakim et Iyad ibn Ghanm, on voit ici qu'il y a une preuve claire qui répond à celui qui se base sur l'exemple de Hisham, comment il a parlé ouvertement aux dirigeants. Et comment ici, par la suite, on lui a répondu par le hadith. Donc que ce soit Hisham ou que ce soit un autre sahabi qui a critiqué ouvertement un autre dirigeant ou publiquement un autre dirigeant, eh bien la réponse à ce sujet-là, c'est qu'est-ce qui a été mentionné dans ce hadith qui est clair au sujet de ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut donner un conseil au dirigeant, qu'il ne le fasse pas publiquement. Et donc, on voit que Hisham ibn Hakim, ici, radiallahu anhu, n'avait pas d'autre choix que de se soumettre et d'accepter ce hadith-là, parce qu'il est, yani, très clair dans le point qu'on essaie de prouver. Et la preuve vient uniquement de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et non pas dans la parole de ou dans l'action de quiconque en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا إلى قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وبناء على هذا الحديث العظيم جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفقه كما سترى النقل عن بعضهم في هذا المسطور. قال الشوكاني في نيل الجر في السيل الجرار ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يظل سلطان الله وقدمنا أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ وأقاموا الصلاة ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة لكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيه في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق انتهى كلامه. Donc on va traduire cette partie là puis après on va s'arrêter inshallah ta'ala. Donc le cheikh il termine donc la mention de cette première preuve en disant que يعني pour prouver que c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est une hujja, qui est une preuve et non pas les actions ou les paroles d'autres personnes. Hein? Peu importe qui ils sont. Et donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, la parole des croyants, lorsqu'ils sont appelés à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, c'est de dire, nous avons entendu et nous obéissons. Et ceux-là sont ceux qui ont le succès. Et quiconque obéit à Allah et au messager, et craint Allah et fait preuve de piété envers lui, alors ceux-là sont ceux qui auront le succès. Et il mentionne l'autre verset, également dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'appartient pas aux croyants ou à une croyante une fois qu'Allah a jugé une fois qu'Allah et son messager ont jugé dans une chose qu'ils aient encore le choix dans leur façon d'agir dans leurs affaires et quiconque désobéit à Allah et à son messager alors ils se sont certes égarés d'un égarement évident. C'est le verset 36 dans Sourate Al-Ahzab et ensuite il mentionne les versets dans Sourate An-Nisa 61 et 65 dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et lorsqu'on leur dit venez vers ce que Allah a fait descendre ce qu'il a révélé et venez au messager tu vois les hypocrites qui se détournent de toi jusqu'à ce qu'ils disent par la suite non par ton Seigneur ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils t'aient pris comme juge entre eux dans tout ce qu'ils peuvent avoir comme dispute ou désaccord et qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne par rapport à ce que tu auras décrété et qu'ils se soumettent entièrement. Et donc, en se basant sur le hadith qu'on a mentionné à ce sujet-là, sur le fait qu'on doit donner le conseil aux dirigeants en privé, eh bien, on voit clairement, et comme on va le voir aussi plus tard dans les autres preuves, que c'est ça la position qui a été adopté par nos salaf al-salih. Et il mentionne les paroles de Cheikh l'imam al-Shawkani dans son livre As-Sayl al-Jarrar, qui est un livre de fiqh, mais dedans il traite de ce sujet-là. Il dit, celui qui voit une erreur de la part de son dirigeant dans certaines questions, il doit lui donner le bon conseil. Et il ne doit pas l'humilier ou lui mentionner ses erreurs et ses péchés devant tout le monde. Comme c'est mentionné dans le hadith, il doit le prendre par la main et lui parler en privé. Et lui donner le conseil en secret. Et il ne doit pas humilier celui que Allah a mis au pouvoir. Celui qui est au pouvoir. Et il dit, et on a mentionné déjà, qu'il n'est pas permis de se révolter contre les dirigeants, même s'ils font de graves injustices, tant qu'ils établissent la salat, et tant qu'on n'a pas vu apparaître de leur part une forme de mécréance apparente et claire. Et les hadiths à ce sujet-là sont très nombreux et mutawatira. Et il dit, pour les gens, pour le peuple et la population, ils doivent obéir à leurs dirigeants dans l'obéissance d'Allah, et désobéir aux dirigeants dans le péché. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et donc ça c'est la fin de la citation de la parole de l'imam al-Shawkani à ce sujet-là. Donc ça c'est ce qui vient terminer la mention de la première preuve. Il y avait juste une longue partie où il parlait de la question du hadith pour expliquer l'authenticité du hadith. Donc il étudiait la chaîne de transmission et les narrateurs pour mentionner leur état et tout. Donc ça c'était un petit peu long, mais pour des personnes qui ne sont pas spécialisées dans le hadith et qui n'ont pas d'intérêt à connaître les détails de ça, eh bien c'est pas nécessaire vraiment, c'est pas bénéfique vraiment pour nous. Donc c'est pour ça que on a sauté directement. à qu'est-ce qui était essentiel. Et on continuera donc la semaine prochaine avec la deuxième preuve et les autres preuves qui sont mentionnées dans le chapitre, inshallah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayh, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.